Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Historiens, historiennes, confinés mais mobilisés pour comprendre le moment étrange que nous vivons. Aujourd'hui, il est question de téléconsultation au sens propre de la consultation médicale à distance. Et ce n'est pas nouveau. Quelles étaient ces consultations médicales épistolaires entre patients et médecins au XVIIIe siècle? Demandons des explications à Isabelle Robin. Isabelle Robin, bonjour. Bonjour. Isabelle Robin, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Sorbonne. Vous travaillez sur l'histoire sociale des soins et de l'assistance. Dites-nous comment, en tant qu'historienne, vous en êtes arrivée à étudier, entre autres, ces consultations épistolaires, ces lettres entre médecins et patients. Eh bien, c'est parce que c'est une pratique très ordinaire de l'époque moderne. En particulier du XVIIIe siècle, d'échanger avec son médecin par voie épistolaire. Donc en écrivant une lettre dans laquelle on va décrire ses problèmes, ses souffrances, les symptômes, etc. Et en retour, les patients attendent que le médecin leur envoie ce qu'on appelle un consilium, un avis, ou qu'on peut traduire par une consultation écrite, qui détaille un certain nombre d'éléments, d'abord une analyse de la maladie, un diagnostic, des indications, et puis toute la dernière partie consacrée aux remèdes. Et donc cette pratique était assez courante, à partir du moment où les gens savaient lire et écrire bien sûr, et il reste des fonds de correspondance de ce type-là un peu partout en Europe. Alors pour ma part, j'ai travaillé sur un fonds parisien, qui est celui d'Étienne François Geoffroy, qui a vécu au tout début du XVIIIe siècle. Il est mort en 1731 et il a exercé pendant une vingtaine d'années. Dites-nous, Isabelle Robin, ce personnage, Étienne François Geoffroy, donc, est médecin avant d'être médecin, il a été un petit peu chimiste aussi. Faut nous le présenter, mais qui est-il ? Bien, c'est un fils d'apothicaire, une famille qui est implantée à Paris dans le Marais, qui s'est bien installé, qui a bien réussi hein, d'ailleurs. Son père a été échevin de Paris. Et lui, au lieu de suivre la voie qui lui était un peu tracée, hein, en tant que fils aîné, qui était de devenir le successeur de son père, de reprendre l'apothicairie familiale, il a, après ses études d'apothicaire, choisi de commencer des études de médecine. Et il s'est intéressé effectivement à la médecine, à la chimie, beaucoup, hein, ce qui lui a valu d'être élu... Comme élève chimiste à l'Académie royale des sciences en 1699. Donc il est effectivement un personnage avec plusieurs facettes, plusieurs activités aussi, mais qui toutes tournent autour de ce qu'on appelle la matière médicale, c'est-à-dire tous les produits, toutes les plantes, les animaux, etc., qui servent à fabriquer des remèdes. Et il a aussi, du coup, écrit un grand traité de matière médicale, publié de façon posthume, mais qui est un peu le condensé des cours et du savoir qu'il avait accumulé en la question. Étienne François Geoffroy est donc médecin, il écrit beaucoup des publications scientifiques et donc il écrit ses consultations, des consultations par lettre. Pour bien comprendre ce que peut être une consultation épistolaire, faut peut-être déjà rappeler ce qu'est une consultation toute simple, une consultation physique au XVIIIe siècle. Comment se comporte un médecin face à son patient qui vient? Est-ce que c'est une consultation telle que nous la connaissons d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a par exemple un rapport au corps? Est-ce que le médecin ausculte? Comment se passe une consultation? J'ai envie de dire en vrai. Alors, en vrai, justement, c'est ce qui est très difficile à savoir, parce que nous n'avons pas tant de sources directes de ce qui se passe lors de ce que l'on appelle le colloque singulier, c'est-à-dire cette rencontre entre le médecin et le malade, qui d'ailleurs peut ne pas être une rencontre à deux, hein, mais avec d'autres personnes autour, c'est assez fréquent. C'est un échange hein, qui est essentiellement sur la description faite par le malade, hein, de ce qu'il ressent, de ses problèmes, etc. Il y a, au-delà du questionnaire hein, du malade, il y a parfois aussi des examens. Alors, pas une auscultation comme nous la connaissons, hein, mais il peut y avoir palpation, éventuellement, ça peut être utile pour reconnaître une tumeur, sentir un ganglion, etc., voir un gonflement quelconque d'un organe, mais c'est pas un examen qui commence effectivement par être celui où on touche le corps, hein, comme aujourd'hui, on a quand même très très vite, hein, dans une rencontre avec un médecin, un moment d'examen du corps. Ça n'est pas systématique parce que ça n'est pas considéré comme nécessaire à chaque fois. Pour l'essentiel, c'est une discussion, Isabelle Robin, entre le médecin et son patient. Mais pour bien comprendre ces consultations épistolaires, il faut aussi rappeler la conception de la médecine au XVIIIe siècle. Il y a d'autres appréhensions de la maladie que celles que nous connaissons. Évidemment, la révolution microbienne et Pasteur ne sont pas encore passées par là. Donc, il y a un autre rapport à la maladie. Oui, quoique il y ait la même demande de soins, pour ceux qui, effectivement, peuvent payer une consultation à distance ou une consultation en direct, ils ont effectivement la même demande, hein, qui est une demande de soins, d'attention, de soulagement, de remèdes, etc. D'un autre côté, hein, effectivement, le médecin, lui, son cadre d'analyse, je dirais, et d'appréhension de la maladie n'est effectivement pas le même qu'aujourd'hui, ce qui fait que l'examen corporel, hein, physique, n'a pas la même place que nous lui donnons. Et comme pour l'essentiel, il s'agit de s'informer de tous les signes. Est-ce qu'il y a la fièvre? Combien de temps dure-t-elle? Est-ce qu'elle revient régulièrement? C'est le recueil de l'ensemble de ces signes qui lui permet de comprendre ce qui se passe. Et ce qui, ça peut expliquer que on puisse le faire par écrit, puisque voilà, on peut aussi bien le décrire et le mettre en mots sur le papier que le dire dans un échange avec le médecin. Il est intéressant dans cette relation épistolaire, client, patient, parce qu'il y a la question du paiement. Comment se construit cette relation au XVIIIe siècle entre le médecin et le patient à distance? Le médecin est payé ou ça varie selon les cas? Alors, normalement, il est payé. Il n'est pas rétribué toujours. Parce que pour les plus pauvres aussi, il est tout à fait normal que les médecins ne fassent pas payer les gens. Voilà, pour une consultation à distance, une consultation écrite, normalement ça coûte un peu plus cher que de rencontrer les gens, parce qu'il y a tout le soin de l'écriture, le temps passé, la poste, qu'il faut payer. Les consultations écrites et les tarifs de Geoffroy sont pas plus cher que d'autres. Hein. Maintenant, il ne parle jamais d'argent dans ses consultations. Donc, il n'y a jamais le prix indiqué. Rien n'est écrit là-dessus. Les seules indications qu'on a, ce sont dans les lettres de certains patients qui disent « Je vous ai bien envoyé la somme ». Donc, on a des petites indications. Hein. Ça ne fait pas l'objet d'une négociation. Ça ne fait pas l'objet non plus de sa part d'une réclamation. En tout cas, dans la consultation en elle-même, qui reste effectivement cantonnée aux questions de la maladie. Alors, on peut penser, hein, qu'il accompagnait sa consultation d'une lettre, parfois d'un mot, ou que les messagers qui se chargeaient de transporter les consultations avaient aussi un message oral à transmettre, et donc seulement quelques indications, mais c'est assez fréquent chez les médecins de la même époque, hein, que les questions d'argent ne soient pas explicite dans les consultations, n'apparaissent pas. C'est quelque chose qui se règle en dehors. Isabelle Robin, au XVIIIe siècle, les postes fonctionnent plutôt bien. Mais malgré tout, il faut du temps. Entre l'envoi d'une demande et puis l'étude que fait le médecin et sa réponse et le retour, il faut quand même pas mal de temps. C'est-à-dire que ces consultations médicales à distance concernent certaines maladies, pas toutes. Oui, bien sûr. Alors, quand nous parlons de téléconsultation, nous sommes dans l'immédiateté. Effectivement, au XVIIIe siècle, il y a la question de la distance et du temps pour parcourir cette distance. Laval, qui est à 6 jours de cheval de Paris, ou Rennes à 8, bien voilà, il faut compter 15 jours, en réalité, pour avoir une réponse du médecin, puisqu'il faut le temps d'aller et du retour. Et ça ne peut donc pas être une maladie qui évolue trop vite. Souvent, ce sont des maladies chroniques ou des longues maladies, effectivement, qui font l'objet de ce type de demande. Parce que si on est dans une épidémie de peste, par exemple, ce qui n'est pas le cas à l'époque de Geoffroy, mais voilà, une épidémie de variole, etc. Et ça ne sert à rien d'écrire parce qu'on n'a pas le temps d'avoir de réponse. Et puis, Si la maladie est bien identifiée, on n'a pas forcément besoin d'aller faire appel à quelqu'un qui est si loin. Isabelle Robin, justement, sur ces échanges qui durent sur des temps longs de la maladie, des maladies dont on ne trouve pas de remède, est-ce que vous avez pu noter une relation particulière qui peut se créer à travers ces lettres entre le médecin et son patient? Oui, bien sûr. Effectivement, le médecin, au début, répond parfois de manière un peu impersonnelle, mais il peut ensuite leur accorder effectivement un peu plus de considération, je dirais, ou de familiarité dans les échanges. Et on voit qu'il s'envoie des amitiés à la famille, par exemple, ou qu'il se demande des nouvelles qui ne concernent pas que la santé immédiate. Donc il y a des patientes, hein, par exemple, qui lui écrivent et qui lui demandent des nouvelles parce que, comme doyen de la faculté de Paris, il mène le procès contre les chirurgiens. Et voilà, il y a une de ses patientes qui s'enquiert, qui dit: j'espère que tout se passe bien pour vous dans ce procès avec les chirurgiens. Elle s'intéresse, hein, effectivement, à d'autres choses que son propre cas. Isabelle Robin, nous évoquons ces consultations à distance entre le médecin et le patient, au XVIIIe siècle particulièrement. La pratique, hein, se poursuit, on en retrouve encore au XIXe siècle. À quel moment paraît-elle archaïque aux yeux du corps médical? Ben, c'est effectivement dans les premières décennies du 19e siècle. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est aussi un moyen pour les médecins parfois de faire connaître leur pratique ou de donner à lire à des confrères plus jeunes ou à des étudiants des exemples. Et donc, beaucoup de médecins au XVIIe, au XVIIIe siècle publient des recueils de consultations écrites de leurs crus. Ça fait partie des ouvrages de pratique. Donc à un moment, début du 19e siècle, c'est plus jugé très probant. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est l'évolution de la médecine elle-même, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. C'est-à-dire que on a effectivement, au début du 19e siècle, des transformations très importantes et surtout la promotion d'une médecine qui ausculte les malades, qui systématiquement, effectivement, impose une présence du médecin dans la chambre du malade, au pied du lit du malade, à l'hôpital ou chez lui. Et là, effectivement, la consultation épistolaire perd de son intérêt si le médecin n'est pas devant le malade et n'est pas en train de l'ausculter, de lui-même prendre directement connaissance des signes et des symptômes sur le corps du malade. Donc, c'est une pratique effectivement qui disparaît vers 1820, 30, 40. Et s'il y en a encore quelques-uns après, c'est extrêmement rare. Donc une pratique des temps modernes, 16e, 17e, 18e siècle, de relations épistolaires entre un médecin et son patient disparaît et puis, oui, ressurgit aujourd'hui, mais grâce aux moyens de communication. C'est vrai que c'est très rapide, la téléconsultation, alors le téléphone bien sûr, Internet évidemment. Isabelle Robin, il y a quelque chose toujours d'amusant en tant qu'historienne que vous êtes de voir ressurgir des choses qui ont été considérées il n'y a pas si longtemps comme archaïque, la téléconsultation. Oui, effectivement, quand j'ai commencé à prendre connaissance de ce type de source, il y a 10-15 ans, on soulignait justement combien c'était étrange d'avoir ce système d'échange, et ça a étonné toujours tout le monde de dire qu'on pouvait soigner à distance. C'était tout à fait sorti de nos esprits et de nos pratiques. Et effectivement, depuis quelques années, et encore plus depuis quelques semaines, hein, c'est quelque chose qui revient, qui ressurgit comme une grande évidence. Mais effectivement, avec cette question de la temporalité qui a complètement changé, hein, puisque on peut faire ça dans l'immédiat, mais Et puis, il est certain que c'est quelque chose d'assez étonnant de voir qu'on est vraiment revenu à cette pratique qui semblait totalement dépassée et plus curieuse et amusante que bien utile dans la médecine contemporaine. Il y a une constante, hein, à travers les siècles, c'est la peur face à la maladie. C'est vrai que la téléconsultation, si elle peut apporter une solution, un remède, c'est sûr que l'on s'y précipite, mais c'est intéressant, hein, de voir que nous avons des réactions face à la maladie qui sont très similaires à celles de nos ancêtres. J'ai envie de vous remercier beaucoup pour cette téléconsultation, Isabelle Robin. C'est gentil. Oui, merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce cours de l'histoire. confinés. Merci à vous, au revoir. Retrouvez le cours de l'histoire par Xavier Mauduit tous les matins de la semaine à 9h05 sur France Culture.